And now for the next set of words and phrases. As before, listen to the French, then the English, the French again, then repeat. Here's the first one, another negative. Ce n'est pas. It's not, or it isn't. Ce n'est pas. Difficile. Difficult. Difficile. Le français. French, the language. Le français. Pardon. Sorry. Pardon me. Pardon. L'anglais. English. The language. L'anglais. Je ne crois pas. I don't think so. Je ne crois pas. Merci. Thank you. Merci. Moi. Me. Moi.